Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie. Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie. Alors qu'elle se réveille, elle se mit à pleurer. Alors qu'elle se réveille, dessus son oreiller. Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie. Mon Dieu que je suis sotte, j'ai plus mon ami Jean. Mon Dieu que je suis sotte, j'ai perdu mon amant. Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie. Ne pleure pas la belle, je serai ton amant. Ne pleure pas la belle, je remplacerai ton Jean. Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie. Les gens du voisinage qui savent tout sur tout, les gens du voisinage disent que je suis fou. Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie. Moi je dis que je suis sage et que ce sont eux les fous. Moi je dis que je suis sage d'aimer quelqu'un comme vous. Petite Rosalie, tout en faisant son lit, petite Rosalie, elle s'est endormie.